Bien, alors je voudrais à présent revenir sur un certain nombre de verbes très courants que Michel Thomas introduisait dans ses méthodes et en profiter pour vous en apprendre de nouveaux. Je pense notamment à tous ces verbes qui permettent d'exprimer, to express, ce qu'on aime ou n'aime pas faire. Par exemple, comment direz-vous qu'est-ce que vous aimez faire et littéralement aimer faisant, donc avec la forme en ing. What do you like doing? What do you like doing? Ce à quoi vous pourriez répondre, j'aime lire, c'est-à-dire I like reading. I like reading, oui, et c'est mon cas aussi. On peut aussi employer le verbe to enjoy, ENJOY, qui a un sens proche de to like, et l'inverse de to like, c'est to dislike. Alors, si conduire se dit to drive, drive, et vite se dit fast, fast, comment direz-vous, j'aime conduire, mais je n'aime pas conduire vite? I like driving, but I don't like driving fast. OK, I like ou I enjoy driving, but I don't like ou I dislike driving fast. Et il y avait une autre expression, expression très utile dont parlait Michel Thomas, c'est j'ai envie de faire quelque chose. I feel like doing something. Littéralement, je sens comme faisant. Puisque le verbe to feel employé seul, F2EL, signifie sentir ou se sentir. Alors par exemple, sachant qu'aujourd'hui se dit today, TODAY, j'ai envie de rester à la maison aujourd'hui, se dira I feel like staying at home today. I feel like staying at home today. Right. Et si vous vouliez transformer cette affirmation en question, comment direz-vous, qu'avez-vous envie de faire aujourd'hui? What do you feel like doing today? What do you feel like doing today? Oui, c'est ça. Alors, comment répondrez-vous, j'ai envie d'aller au cinéma? I feel like going to the cinema. I feel like going to the cinema. Oui. Aller au cinéma, c'est to go to the cinema en anglais britannique, tandis qu'en anglais américain, on dira to go to the movies. To go to the movies, oui. Donc, I feel like going to the movies ou to the cinema. Vous avez sans doute remarqué que tous ces verbes finissent en ing. I like reading, I enjoy driving, I dislike driving fast. I feel like going to the cinema. Alors, on va employer la même forme en ing pour parler de sport et d'activité, comme par exemple faire du camping, qui en anglais se dit to go camping. Dans ce type d'expression, faire est rendu par to go. Donc, de la même manière, faire de la natation, c'est to go swimming. Alors, maintenant que je vous ai donné toutes ces informations, est-ce que vous pourriez me traduire la phrase suivante? Je fais souvent du ski en février. Alors, vous connaissez peut-être déjà le mot often pour dire souvent, qui s'écrit OFTEN et qu'on prononce often ou often. Mais watch out! Ici, on dira littéralement je souvent fais du ski en février. In February. I often go skiing in February. I often go skiing in February. Avec February, qui s'écrit F majuscule EBRUARY. Vous trouverez dans le livret d'accompagnement les noms des autres mois de l'année ainsi que celui des saisons signalés par un astérisque. Alors, si faire des achats, faire des courses se dit to go shopping, et voilà un mot qui vous sera sans doute déjà familier, et sachant que tous les matins se dit every morning, comment dira-t-on « je fais les courses tous les matins » I go shopping every morning. I go shopping every morning. Et si vous voulez savoir où, where, qui s'écrit WHERE, alors quelle sera votre question? Where do you go shopping? Where do you go shopping? Votre réponse sera peut-être « Je fais mes courses au supermarché local ». Alors, comment dira-t-on « local » ? Pensez à tous ces mots en « al » que nous avons vus dans la première partie. Local. Local, of course. Tout comme « general », « national » et tous les autres mots en « al » que nous avons déjà évoqués. Alors encore une fois, comment direz-vous « Je fais mes courses au supermarché local » ? Et au lieu de « I go shopping » ici, puisqu'on parle de mes courses en particulier, on dira plutôt « I do my shopping ». Supermarché se dit tout simplement « supermarket », puisque « market » signifie « marché hein, ». Pensez au mot « marketing » par exemple. Alors, je fais mes courses au supermarché local. I do my shopping at the local supermarket. I do my shopping at the local supermarket. Et si faire de la randonnée se dit to go hiking, H-I-K-I-N-G, comment dira-t-on j'ai envie de faire de la randonnée? I feel like going hiking. I feel like going hiking. Alors il y a une chose qu'il est intéressant de savoir, c'est que si vous enlevez la terminaison « ing », vous obtenez le verbe. Et donc, inversement, si vous connaissez le verbe, vous obtenez sans problème le nom en « ing » qui désigne l'activité. Par exemple, « hiking »,« to hike »,« shopping »,« to shop ». Alors, si « en public » se dit « in public », comment dira-t-on « je déteste parler en public » ? Et ici, employer « to hate hein, », c'est plus courant que « to detest » pour traduire le verbe « détester ». I hate speaking in public. I hate speaking in public. C'est-à-dire, je déteste le fait de parler en public. Et maintenant, si vous parlez de votre ami Patrick, comment direz-vous « je vais lui parler demain » littéralement, « je vais parler à lui demain ». I'm going to speak to him tomorrow. I'm going to speak to him tomorrow. Oui, et si c'était à votre amie Carole que vous vouliez parler, vous diriez? I'm going to speak to her tomorrow. I'm going to speak to her tomorrow. Et maintenant, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais beaucoup de gens disent que boire trop de café est mauvais pour la santé. Alors, vous avez peut-être appris avec Michel Thomas que « trop de » se dit « too much ». Mais je suppose que le mot « santé » est nouveau pour vous. En anglais, on le dit « health ». H-E-A-L-T-H. Health. Alors, encore une fois, comment direz-vous « boire », c'est-à-dire le fait de boire. Donc, ici, vous allez avoir besoin de la forme en « ing ». Alors, « boire trop de café est mauvais pour la santé ». Et en anglais, on dira « pour votre santé ». Drinking too much coffee is bad for your health. Drinking too much coffee is bad for your health. That's right. Alors, si le fait de boire, c'est « drinking », quel est le verbe correspondant ? To drink. To drink, of course. Et donc, comment direz-vous « qu'est-ce que vous aimeriez boire ?» What would you like to drink? What would you like to drink?